Bélier, réfugiez-vous dans la quiétude de votre foyer, rien de tel pour vous remonter le moral. Taureau, ça coince aux entournures, vous n'avez pas la marge de manœuvre suffisante pour agir à votre guise. Gémeaux, prenez votre mal en patience et ne rongez pas votre frein inutilement. Cancer, ce n'est pas le moment de déclencher des conflits, gardez plutôt votre calme. Lion, trop de nervosité nuit à votre équilibre, faites des exercices de relaxation pour vous décontracter. Vierge, c'est le moment idéal pour débusquer de nouvelles pistes intéressantes pour votre travail. Balance, encore un peu de tangage au sein de votre couple. Vous ne partagez peut-être pas les mêmes points de vue. Scorpion, faites des concessions et soyez à l'écoute de votre partenaire au lieu de faire un monologue. Sagittaire, une brouille anodine peut vite se transformer en conflit ouvert. Dialoguez et tout rentrera dans l'ordre. Capricorne, jackpot astral. Les planètes sont de votre côté et vous soutiennent dans vos démarches. Verseau, vous avez besoin de vous relaxer, alors occupez-vous de vous. Direction coiffeur, salon de beauté, hammam. Poisson, morale et forme au top. Vous tourbillonnez dans tous les sens pour que vos affaires avancent à la vitesse grand V.